Radio Campus Lille, 20h. Les anecdotes. vous écoutez Radio Campus, il est 20h, une minute plus. Ça grince, c'est normal, c'est Pyongyang City Rockers. Jusque 21h ce soir. Attends, j'entends rien dans mon casque là. C'est ah, pour une fois, ouais. C'est toi. Bah, pour une fois, ouais. Voilà. alors, ce soir, équipe presque au complet. Il n'y a c'est que fait. Thibaut qui est pas là alors qu'il avait promis. Sinon, il y a vrai. Célia. Ça va, Célia ? Ça va et toi ? Il y a Gaël. Hello. Oui. Et puis Jamo qui est là aussi. Ouais, bon, salut. Bah voilà, c'est tout. Et puis là, qui s'approche de nous, il vient d'arriver dans les studios. Il y a le Yas Body. Enfin, Yas, tout court. Hein, qui est, non, Yas Body. Ouais, non, mais ça, c'est le nom de son groupe. Yas, ouais, allez, Body. C'est lui tout seul, ouais. Ouais, ok. Ouais. Qui est déjà venu ici, il y a quelques mois. Quand il se faisait appeler Body Boy, je crois. Ouais, quand. Avec psychocondriaque. Il nous avait présenté à l'époque, quand il était venu ici, du funk marocain et du punk islandais. Exact. Voilà, ce soir, ça sera pas tout à fait la même musique, vu qu'il vient de sortir un EP. Un 5 titres avec Gary Lucas, qui est un type avec un CV, mais qui est long comme plusieurs fois mon bras. Et le mec, il a tout fait. D'ailleurs, normalement, on devrait l'avoir, Gary Lucas, vers 20h20, en funeur depuis les États-Unis. Wow. Voilà. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si ça tombe, bah, on va déborder sur l'émission Teeth Grinder, parce que tellement on aura des choses à se raconter et des questions à lui poser. Pour l'instant, on a en attendant que Yas retrouve ses esprits et se décolle du bar, car il est déjà en train de boire de la bière. De la Jupiler. Bah voilà, il a raison. Ça va être quoi ? Je sais plus ce que j'avais pris. Ah oui, si, c'est ça, oui, la meilleure époque néerlandaise, le début des années 80. Ça doit être 84, ça. C'est Greu avec 3 R. G-R-R-R. Ils font Soldier's Grief. We'll be right back. Ah bah ouais, voilà, c'est ça, c'est les contraintes du direct. Hein, voilà, il s'arrête au bar et puis ça n'en finit plus. Et ça cause, et ça se rappelle des vieilles anecdotes. Hein. Ah bah, je pense qu'il se lève là, notre Yass. Mais on va quand même avoir le temps de passer un titre de musique grâce à Célia. Ouais, alors c'est un groupe qui s'appelle Life of Heaven. C'est un groupe de post-punk new wave de New York qui est bien dans la vague de ce qui se fait en ce moment dans le genre. Leur premier LP s'appelle Bones by Naked Skies. Il est sorti en 2023 chez Sacred Bones Records, c'est un label de New York. Et donc j'ai choisi le morceau Génome. Guitare acoustique. Ouais. C'est gling, bah ouais. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on va entendre tout à l'heure. Alors, on avait presque réussi à le convaincre de rester dans le studio. Là, il est venu pendant que la musique passait et puis il est reparti. Je vous jure, il est, chères auditrices et heures, il est là, il arrive, il s'avance dans le couloir. Mais Célia, elle le force, elle lui met des coups de pompe dans le train. Bonjour Yass, ça va ? Salut, ça va et vous ? Ah, tu es là. Alors dis, c'est bon, ça n'a pas été trop compliqué pour arriver ici ? Non, ça va, ça n'a pas été trop compliqué, j'ai l'habitude de venir ici quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors là, cette fois-ci, comme je disais tout à l'heure, ça ne va pas être du funk marocain, ni du punk islandais que tu avais passé aussi. Oui, c'est ça. Ouais, là, ce soir, tu es venu nous présenter, entre autres, un 5 titres. Oui. Mais en plus, tu as eu la délicatesse de ramener en 4 exemplaires, quand même. On se les arrache. On l'a d'ailleurs. On a d'ailleurs pas besoin de se battre, c'est cool. On avait déjà arraché. Ouais. 5 titres que tu as composés avec Gary Lucas. Oui, c'est ça. Voilà. En vrai, 6, parce qu'il y a 6 titres à l'intérieur. Il y en a une cachée. Wow. Ah, à l'ancienne, dis donc. Ouais, bah ouais. Super. Tu peux la trouver sur Spotify, tu peux la trouver que dans le CD ou tu la trouveras dans le vinyle aussi. Et donc on n'a pas le titre. Je peux vous le donner, mais vous ne l'avez pas dessus. Il s'appelle Hey Murray. Hey Murray. He's talking about the guitar again. Et donc c'est la 6e plage ou alors c'est 5 plus X minutes C'est 5 plus X minutes. D'accord. On verra ça. À l'ancienne. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment, qui est ce gars et comment est arrivée cette collaboration ? Alors, qui est ce gars ? Gary Lucas, c'est un guitariste américain qui a commencé sa carrière en tant que gratte pro dans un groupe qui s'appelle Captain Beefheart and the Magic Band. Ouais, juste ça, quoi. Tiens. Donc, c'est voilà, une grosse référence du blues psychédélique de l'époque de Frank Zappa et les Mothers of Invention. C'est le grand pote d'enfance de Frank Zappa, Captain Beefheart. D'ailleurs, produit par Frank Zappa sur plusieurs albums. Exactement. Ouais. Et puis en plus, Beefheart, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant l'avènement du punk, il avait commencé un peu à défricher des trucs un peu étranges. Il était détesté par toute une partie des gens qui aimaient le rock, parce que justement, ils faisaient des trucs qui n'étaient pas conventionnels. Et il y a pas mal de punks qui se sont un peu nourris de ce qu'il a pondu. Comme truc bizarre dans les années 70. Quoi. Une grande mentalité de défricheur, Captain Beefheart. Et du coup, il a entraîné dans son sillage toute une espèce d'escadron de musiciens incroyables qui ont adhéré au truc et qui, en fait, se sont fait former par le gars, quoi, dont Gary Lucas. Parce qu'en fait, le Captain Beefheart, il formait vraiment ses musiciens à une façon de composer, de travailler qui était très particulière, qui consistait principalement à tout jouer au piano, de la batterie jusqu'à la guitare. Et à laisser un message sur ton répondeur pour que tu apprennes la partie. Et c'est un peu comme ça que Gary Lucas il s'est formé à la guitare au-delà de ce qu'il faisait déjà, quoi, mais que du coup il a retranscrit note pour note des parties et du coup il peut te jouer des espèces de pièces extraites d'appels téléphoniques de Captain Beefheart. Il disait Hey Gary, play this thing. C'est un peu ça qu'il explique. Et du coup ça donne les bizarreries qu'il a, ça vient beaucoup sans doute de sa période Beefheart. Et du coup Captain Beefheart, dans lequel il a joué sur l'album Ice Cream for Crows, qui est un de mes préférés d'ailleurs, et de la période 80s plutôt de Beefheart d'ailleurs, plutôt la fin. Et il est aussi connu pour avoir joué et accompagné, je veux dire, mentoré, tutoré et aidé à concevoir un album pour Jeff Buckley. Ouais, c'est voilà. Juste comme ça, une petite collaboration. Ouais, voilà, quoi, il est à l'origine de Grace. Bah c'est lui, en fait, qui avait un peu, enfin, pas détecté, mais il a pris Jeff Buckley sous son aile avant qu'il soit très, très connu, quoi. Ouais, complètement. Bah, ça s'est passé au tribute à Tim Buckley. Aux États-Unis où Jeff Buckley venait jouer, et c'est là-bas qu'il était invité en tant que guitariste de Beefheart et qu'il a découvert l'existence de Jeff Buckley, avec lequel il a du coup vite essayé de jouer. Avec lequel ils sont vachement entendus parce que Buckley était fan de Beefheart. Et du coup, l'autre était fan de Tim Buckley. Ce qui explique pourquoi tu t'entends bien, parce que t'es fan de Beefheart aussi. Bah ouais, carrément. C'est comme ça que vous êtes retrouvés ou il y a eu d'autres. Ah non, c'est Jeff Buckley la coïncidence dans cette histoire. Parce que c'est le tribut à Jeff Buckley où on s'est rencontrés à New York. Et c'est comme c'est Jeff qui a dit Hey, Gary, you should listen to Yas from Lille. Ouais, c'est moi qui suis allé direct là-bas et il dit Hey, you should listen to me. C'est un peu ça, quoi. Enfin, en tout cas, on devrait essayer de jouer ensemble. Et c'est ce qui s'est passé, un tribut à Jeff Buckley un soir à New York, sans que ce soit vraiment trop prévu, quoi. Mais. Disons que je suis allé un peu au culot et qu'il a reçu un morceau que j'avais enregistré pour postuler un tribute à Jeff Buckley. Et il l'a entendu et puis il a proposé qu'on fasse le morceau en question ensemble sur scène. Beau gosse. Voilà. Et du coup, c'est arrivé à ce moment-là. Quoi, ça date de quand, ça ? 2017. Donc depuis 2017, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur votre collaboration, vos nombreuses rencontres ? Bah, ça a été à partir de là, ça c'était le premier moment de rencontre, c'était en décembre. Et après, sur toutes les périodes qui s'en suivent, là, les 2-3 ans avant le Covid, j'ai passé un certain temps à aller le retrouver partout où il jouait. Parce que la première rencontre à New York pour moi sur la scène, c'était vraiment un moment cool de musique vivante, quoi. Et je me suis dit, ouais, j'adore jouer avec ce gars-là, j'ai envie de recommencer, quoi. Donc je me suis dit, la meilleure façon de faire, c'est suivre le premier instinct que j'ai eu, c'est d'aller à l'endroit où je pouvais trouver un mec comme ça, et de le retrouver partout, quoi. Donc il allait jouer en Angleterre, j'allais en Angleterre le retrouver, sans être invité d'ailleurs. Il allait, je sais pas moi, en Belgique, c'est souvent en Angleterre d'ailleurs, et j'y allais, quoi. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, en fait, on est devenus potes, parce qu'il faisait des tributes à Captain Beefheart et Jeff Buckley, comme concept de tournée, il tournait avec ça, et en fait, en tant que chanteur, je pouvais être là pour faire du Beefheart et du Buckley, et chanter avec lui, quoi. Cool. Et du coup, on faisait des concerts devant des gens, des parterres de gens que je ne connaissais pas, dans des maisons de retraite, dans des trucs. Je me voyais arriver et puis ça l'étonnait un peu. Puis en même temps, au bout d'un moment, bah voilà. Un mec motivé qui aime bien chanter. Il me semble que tu l'as même ramené à Lille. Ouais, bah du coup, je l'ai ramené à Lille, effectivement. Ouais, c'était un peu la blague de départ. Hein. C'est un jour, je le ramènerai à Lille, le bonhomme. C'est arrivé, quoi. Je l'ai ramené à la mule solo. Je fais, voilà, la blague est faite. Boum. Un des plus petits bars qui fait des concerts à Lille. Aussi, hein. Oh non, mais c'est pour dire, tu vois, on passe de la grosse scène à New York, hommage à Buckley, à la mule solo. Et puis tu l'as aussi ramené à Radio Campus. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, dans l'émission de Claude Colpart. Exactement. De la maison. Ah, ils se sont très bien entendus. Hein. Ah ouais. Ah, ils avaient beaucoup de trucs à se raconter, quoi. C'est rigolo, ils avaient genre plein de noms. De la même génération. Ah ouais, plein de noms de musiciens en commun, plein d'anecdotes de concerts en commun, d'événements. Et j'étais là, ouais, je suis rien, mais je vais écouter cette conversation, c'est absolument génial, quoi. Ça s'est débloqué des trucs, puis lui il était complètement enfin, très intéressé par Radio Campus, parce qu'en fait c'est un mec qui a été à la fac aussi, il était à l'université d'Yale, donc il a eu une vie universitaire, puis il était après, en tant qu'étudiant, il est passé comme journaliste à CBS, et puis du coup il y a toujours un truc en rapport avec les campus universitaires, du coup il capte bien la logique, je pense, Radio Campus, la fac à côté, c'est logique en commun un peu que certaines universités américaines, la vie associative et tout, et fait qu'il se passe des trucs, donc en fait je pense qu'il... Ils étaient contents de se parler. Ils étaient là, quoi. Bah, tu sais qu'on va peut-être être content de lui parler si on arrive à le choper au téléphone. Ah, mais ouais. Avant ça, on va quand même passer un petit peu de musique, vu qu'il est déjà 20h17, ouais. Et que vous êtes sur Radio Campus, dans l'émission Pionniers Electrocœurs, avec ce soir Yas Body. Et puis, normalement, d'ici quelques minutes, on devrait avoir au téléphone Gary Lucas. Mais pour l'instant, voici Yas Body et Gary Lucas avec un titre que tu vas choisir, parce que je ne sais pas lequel prendre sur le CD. Mais la première. Allez, Pain Train, c'est ça? C'est ça. J'ai bon. Eh ben, les voici qui s'avancent vers vous dès que je les envoie. Ça arrive. Get comfortable. Y'all said? From the time I wasn't born. I heard your heart beating for love. Now it's a wet hand in a cold glove. Feeling frozen once and for all. Oh, it's so hard to see you lost. every day I see you play. City. Essaye de faire marcher la technologie ultra moderne de Radio Campus. Il y a des difficultés entre la France et les États-Unis. Il y en a toujours eu, tu sais. Ouais. Je vous ai donc passé un petit titre, non pas de Gary Lucas et Yas, mais Yas Body tout seul. C'était Stark qu'on avait déjà passé en octobre dernier, je sais plus. Oui, c'est ça, ouais. Truc dans ce genre-là, ouais, ouais. C'est alors, le mot de l'album, ça. T'as réussi à le choper, je monsieur, ou pas? Je viens de lui mettre un message pour lui dire qu'on l'appelait la ligne fixe, parce que je pense qu'il attendait qu'on l'appelle en WhatsApp et que du coup, s'il s'est dit, je vais pas décrocher, ça va beaucoup plus. Ah, voilà. Ouais. Il pensait qu'on avait pas d'argent à Radio Campus. Et là, on va passer par son 06. Attends, c'est... Et ils ont un indicatif, c'est pas 33, hein, c'est pas 32, c'est 1. Les Américains. Ah. C'est 1. C'est ouais. Quoi non, c'est 1. Ouais, voilà. Bon, et ben puisque c'est comme ça, je vous ai calé encore un petit titre du nouvel. C'est un EP, Yass. C'est un ouais, EP, ça. C'est ouais. Un EP, ouais. Ouais, enfin, moi, je sais pas, c'est un CD, c'est un CD. Hein. Ouais, c'est un EP. En fait, il y a 13 titres à l'intérieur, mais il y a beaucoup d'interludes. Il y a des interludes. Tout à l'heure, je me suis fait farcer comme ça parce que j'avais pas vu que c'était à l'interlude de 5 secondes. Vous avez cru qu'il y avait un blanc, mais non, c'était une interlude pas très bruyante. Ouais. Et donc, après l'interlude, je vais vous passer un deuxième titre de ce Here is the Ocean par Gary Lucas et Yass Bodhi. C'est d'ailleurs Here is the Ocean. C'est ça. Ça parle de quoi ? La piste 3 puis la piste 4. Ça parle des douanes. Non, parce que tu sais, ça s'arrête entre les pistes. C'est une platine cone. Ouais. C'est Radio Campus. C'est Radio Campus. L'interlude est voilà. En 3, la piste est en 4. Ok. Et donc, je l'envoie. Boum. Genre, attends, faut appuyer sur quel bouton ? Bon, bah voilà, ils sont débrouillés en mon absence. Bon, on arrive vraiment, vous êtes bien. Vous êtes bien sur Radio Campus. C'est l'émission Pyongyang City Rockers qui fait des essais de lignes téléphoniques sous vos yeux et vos oreilles ébahies. On n'arrive pas à le choper. Hein. On va faire du WhatsApp quand même, Yass, tu sais. On va faire du WhatsApp. Et donc, bah, pour l'instant, puisque vraiment c'est compliqué de faire autre chose, et ben, je vais passer encore un petit titre, mais cette fois-ci en live de Gary Lucas et Yas Body. Et d'ici 3 minutes, normalement, on devrait pouvoir parler avec Gary. Ça fait monter la sauce. Ouf. Et donc là, c'est la Paris Session. Ouais, c'est ça. C'est le premier titre, c'est quoi Le premier titre, c'est Pain Train. Qu'on a déjà passé. Ouais. Ouais. Mais c'est pas grave, celui-là, il est en live. Il ouais, c'est des versions différentes, c'est cool. Ouais, vas-y, on passe. Youpi. From the time I was a boy, I heard your heart beating for love. Now it's a wet hand in a cold glow. Feeling frozen once and for all. Oh, it's so hard to see you lost in your body. Slows you down for sure. Remember those that don't make you human happy. That can't be you anymore. Day I see you pain. At night you dream away. Your pain is left for dead. On the floor I see you again. Pas dit leur dernier mot, mais pour l'instant la technologie se fait fuyante. Bientôt clair. On va la rattraper et on arrivera à choper monsieur Gary Lucas qui est, on a réussi à le choper mais sur un téléphone sur lequel il n'y a pas de prise jack, donc c'est un peu désolé. Compliqué quoi, hein. Vous saurez tout les auditrices Zeter, c'est Pyongyang City Rockers avec Yas Body pour encore une bonne demi-heure et puis là, ils sont derrière moi là en train de s'échanger les numéros puis les machins, ouais puis t'as WhatsApp bon et puis bah pour l'instant en attendant de choper Gary, ça devrait maintenant être une affaire de quelques secondes. Voici Yas Body tout seul avec sa guitare qui font Ouled El Maghrib. Bah, qui fait. à le choper, le Gary Lucas. Bon, avec un petit montage maison, hein, c'est Radio Campus, donc on fait ça avec des téléphones, la bonne popote, comme il faut. Ça va, Yass, tu es encore en ligne Hey Gary, are you online? Allô? Oh. Allô? How's that for you? Ah, voilà, ça marche. Hello, can you hear me okay? Yeah. We hear you. Good. Oh, I'm home right now. I'm in New York. Hi, Gary. Hey, Yass. How are you? I'm fine, and you? I'm fine. Hey, it's good to hear you. Yeah, man. I can't wait to get together. Yeah, me too. Make some noise. Yeah. Yeah, so welcome. We are on Radio Campus tonight on the Pyongyang City Rockers, you know. I've been there with you. Yeah. 2019. Ah, that was a while. That was in 2019, I believe. Oui, exactement. Il était là en 2019. C'est ça qu'il dit. God, 5 years ago. Yeah. Almost. Quand c'est la prochaine fois qu'il vient ici? They're asking about what is going to be the next time you'll be in Lille, in Radio Campus. Well, I hope that when you do the master classes. There's a budget to bring me, then I would be there. And June, what was it, 5th or 6th or whatever, yeah. You have some dates. Yeah. On espère en juin. That's the plan. That's the plan. It's like possible. I'm looking forward to it if we can swing it. Let's hope that we can. Yeah. Donc il espère vraiment qu'on pourra réaliser le tour qu'on a prévu de faire en juin, qui est en train de s'organiser. C'est le... On espère vraiment pouvoir venir présenter ça déjà dans le nord de la France. Ouais. Et puis peut-être ici. I like Lille. We had a great time there. Il aime bien Lille, il en a passé des super moments là-bas. Beautiful city. Il dit que c'est une belle ville et qu'il a passé des super moments là la dernière fois qu'il est venu quand on a. Quel est son bistrot préféré? Petite tournée. What is your favorite place in Lille? What is your favorite place? Oh, well, that restaurant. Les restaurants. There's a stage and a curtain right up on a stage. Yeah, I remember. And I said, yes, I was here in like 2002 or 2003. I remembered being there. Ouais, il s'est retrouvé dans un resto où il avait été en 2002, il quittait pas très très loin de la gare. Déjà vu. A une sensation de déjà vu. Quoi. Et which place, which venues did you remember in Lille? I can't tell you the names. I don't remember. This period of touring, a lot of it is a blur. I did so many trips and so many different venues, but see, every once in a while, I come to a place and it's like, wait a second. Yeah. I was in this place. I was here. And that was like, I know I was in that restaurant. Maybe I played in that restaurant. It could be that they were doing like cabaret shows. It was some kind of theater when they weren't serving dinner. That's what I think, you know. So when you brought me there, I was like, holy, yeah, I can't believe it. I've been in this place 20 years ago or something. Ah là, il dit qu'il a joué dans un, qu'on était dans un restaurant dans l'île qui se trouve pas très très loin de la Grand Place et où il pense qu'il a joué là il y a genre 25-30 ans mais qu'il est plus trop sûr, mais il est persuadé d'avoir joué ici. D'accord. À peu près. Ok, voilà pour l'anecdote. And the other place I like is the art center where you work. That place, that's cool. I know. Ah oui, c'est vrai, on avait été au 99 bis à Wany. Ah d'accord. Il avait découvert le métaphone. Il avait découvert le métaphone et toute la zone. Yeah. Puis on avait joué. And we also played in La Mule Solo. Remember? Yeah, that was great. That was fun. Also the hamburger place. The hamburger place. Yeah. C'était cool, les burgers après. Les burgers, cool. Les Américains. Moi, je voulais savoir un petit truc parce que nous, on connaît un peu toutes les ondits de Yass. Mais j'imagine que Gary a croisé énormément de Zikos pendant sa carrière. Et je voulais savoir son côté des choses, lui. Comment est-ce qu'il s'est arrêté sur Yass Body? Comment il s'est dit, ce petit français de Lille, là, je vais faire un disque avec lui et je vais m'investir dans ses projets. Ok, well, Gary is asking you, all along your career, you've met many musicians. How did it happen that you began playing with me, and how the idea of setting out a disc happened? I tell you, it was because you turned up at this Jeff Buckley tribute. I think it was at Arlene's Grocery. Yeah. And it was the New York tribute. I was just a guest, special guest. And you came up to me and you said, Gary Lucas, I had a dream. I was playing with you. Here I am. We got to do something. So I said, great. So then we spent a couple of minutes just trying to get a couple of songs arranged for you and me. And then we went out there and played, and I thought it was great. So I said, we got to stay in touch. We got to do more. And every time I'd come back to France, like in Paris particularly to play, I'd coax you to come on the show as my guest, and you did. And then I started giving you song material of instrumentals to write on, and that sounded really good, what you sent back. And then really, to get the album going, David, who's my old friend, David Konopnitsky, Jewish guitarist from, I guess he's from Paris originally, but he's spending a lot of time now in Normandy, in the studio we recorded it. Okay. He came up with the plan. That's it. That's about it. I'm going to translate it now for people so they can understand it. Okay, sorry, that was long. We cannot make it all in English. So. You make it shorter. Okay, revenons au début. Ouais, donc tu avais raison. New York, tout ça, c'était bon. Oui, voilà, vous avez compris le début de l'histoire. Je me suis pointé à une soirée tribute à Jeff Buckley où il était invité spécial et je suis allé le voir en disant que j'avais rêvé... j'avais rêvé de lui, quoi, et du coup par extension j'étais là pour jouer et que j'étais chaud de faire un truc avec lui, quoi. Et lui, Jésus, il t'a ouvert ses bras. Bah en fait, il m'a fait répéter quelques instants dans un coin de Arlene's Grocery, l'endroit où on a joué après de Manhattan et tout. Ça, c'est une répétition qui a duré 10 secondes littéralement, et après on a joué ensemble. Ça s'est vraiment bien passé sur la scène. Le public était super enthousiaste, et puis nous, bah, c'était une sacrée sensation. En tout cas, pour lui ça l'était, il disait, tout comme moi. Et que du coup, le lendemain, il s'est dit qu'on devait rester en contact, et puis il a commencé à me proposer des morceaux et à m'inviter pour des concerts, surtout à Paris, où c'était un endroit où il avait l'habitude de venir jouer. Il m'appelait en tant qu'invité pour venir chanter avec lui, quoi. Et le reste, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Ouais. Voilà pour la traduction. Je pense que j'étais jusqu'au bout. Et c'est quoi ces projets qu'il a à côté là en ce moment? Can you tell us about your projects like right now? What are your projects at the moment? Okay. Well, as normally, they're pretty much solo based. It's either a concert of that spans 40 years of music making. It's actually now, if you count 80 as the year I started playing with Captain Beefheart as the year one, it's like 44 years now. But I just did a show right in the Hudson Valley, very good review today, and it was sold out on Saturday night. And then the other is to me playing with movies, silence and some sound. Oh, okay. Films. I'm going to play in Italy on Friday next week. Friday next week, you're in Italy? Yeah, I'm in Italy. In, oh, excellent. In Bergamo, Italy. Ah, he plays in Bergamo. It's opening a film festival. Yeah. Okay, cool. I'm going to translate this for people. Alors, il y a joué dans un concert dans la vallée d'Hudson il y a quelques jours, et c'était un concert solo. Il est très content parce qu'il y a eu des très bonnes critiques de ce concert. Il est flat. Il était sold out en plus. Hein. Il était sold out, ouais. Et c'est assez la classe, ces concerts solo, ça, c'est vraiment très bien. Et il va jouer dans un festival de films en Italie, à Bergamo, la semaine prochaine, parce qu'en fait, il a aussi une grande passion, c'est les films muets dans lesquels il fait, et des films en général dont il refait les sons en direct, et du coup, il joue sur des films. Et il a une grosse passion pour les films muets, les films d'horreur à l'ancienne. Il a fait plein de versions de Frankenstein, de Dracula, des trucs comme ça, des Lon Chaney, des Todd Browning, des films avec Todd Browning et tout ça. Et du coup, tous ces trucs-là, c'est lui qui veut faire ça, ou alors est-ce que c'est quelqu'un, on appelle Gary Lucas? They're asking like, how does it happen that you do like music on films? And I was thinking like about maybe you just worked also with like Emir Costa Rica. Yeah, I mean, I've worked with Costa Rica. I played some of these films at his festival in Belgrade. Well, no, it was on the Serbo-Croatian border. He has a festival in a place called Kustendorf. It's on top of a mountain the Serbian government gave him. And he's, I think, the head of the Cannes Film Festival jury this year again. Well, I don't know how it came about. It was because when I was a little boy, I loved horror films especially. And I got some 8mm versions they used to sell in some department stores. They were silent. And I was taking guitar lessons. So naturally, the idea to combine my music with a film appealed to me. Plus, I was into the whole history of cinema. Okay, cool. I'm quite buff. That's how I got involved. Okay, il dit que ça, que cette culture-là de en tout cas comment il arrivait à faire de la musique sur des films, notamment muets, c'est parce que quand il était gamin, il était très fan de films d'horreur. Et il avait eu accès à beaucoup de films, notamment des films en version silencieuse. En version muette, et que du coup, prenant des cours de guitare à cette époque-là, il a vite mélangé les deux, très vite. Et c'est devenu un métier plus tard, finalement. D'accord. Voilà. Il me semble que toi aussi, tu te lances dans le cinéma. Yeah, they're asking me that me too. I'm just like doing new things in cinema. I just have to tell you that I'm working like as a Foley artist, like right now. It's a new thing, but I do Foleys for movies. I really enjoy it, especially for horror movies. And we need to talk about it. It's really cool. I tell them to people. J'en profite pour lui donner des nouvelles aussi. I just tell them that I take my time to give you some news because you didn't have some time to talk like these days. Je fais deux langues en même temps, ça va bien se passer. Ok. Et du coup, je disais que tu travailles aussi dans le cinéma. Maintenant, je fais des bruitages. Maintenant, je me suis lancé là-dedans en faisant une formation pour le design sonore dans le jeu vidéo, et j'ai découvert le bruitage là-dedans, et ça m'a complètement passionné. Du coup, je me suis lancé à fond dans l'artisanat du bruitage pour en faire un taf, faire des films et des jeux. Un jour, une coprod entre Gary et toi sur scène. Ah bah oui, bah ça. Avec du bruitage et de la musique pour films muets. Ah yeah, he said maybe someday we should do something together about mute films. Yeah, that could be cool. Yeah. Let's get some porno loops. Il veut faire des loops porno. We do Foley work and then, you know, get some real actual, you know, women in there to do sound effects. On a le batteur si besoin. Funky, ok. Yeah. Il est très enthousiaste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Gary? Bah non, en fait, yeah. Gaël a tout posé. Ouais. Si vous voulez peut-être savoir pourquoi il est sur une photo avec les Beastie Boys et une autre photo avec Lou Reed et une autre photo avec. Ah ouais, et aussi le trip là, que tu nous as raconté là, avec les Clash. Oh yeah, I got like a few questions, some because I just showed them some pictures I had of you. Nice. That one with the Beastie Boys, one with Lou Reed, and one with Jeff Buckley, and just wondered what one was with Yas. And one with Yas. Yeah, it's funny, but can you tell us about these pictures, like especially the one maybe with the Beastie Boys? Just okay. Sure, the Beastie Boys, when I was, I worked at CBS Records in the late 70s through 90, 13 years. And when they came out with their first LP called License to Ill, I was assigned to be the copywriter and create a campaign with them. And we hit it off. And Mike D lived about a block from me, so he used to come over and we'd do bong hits, you know. We were like, we smoke a lot of grass together, you know. And I liked him a lot. He was a great guy. He was like super, you know, he was very funny and witty. And Adam, all of them. I got along well with them. Then I went into a radio studio. We made the series of commercials. And one, they hijacked the radio spot. You know, we got this older gentleman who was the announcer for Saturday Night Live. For years, he'd go, "It's Saturday Night Live." You must have heard him, a guy named Tom Pardo. He was famous in America. Okay. So he's doing, "It's the Beastie Boys." And in the radio spot, they jumped him and beat him up. And said, "Yo, step off, George Washington, man. We're taking over the radio spot, boy." Excellent. So, I don't know. I wrote this anarchic, you know, that script. Oh, you should. And it came off really well. So that picture was taken right there at the session. I wish I could read it out. Giving the finger. Yeah. You tell it. Yeah. Bon, alors du coup, l'histoire de cette photo avec les Beastie Boys, je vais dire, je vais essayer de la faire en très, très condensé, mais c'est très, très drôle. Il a rencontré les Beastie Boys alors qu'il était chroniqueur à CBS au moment de la sortie de leur album License to Ill, le premier EP. Et en fait, il était directeur créatif et assigné au groupe à CBS pour leur communication quand le groupe a démarré. Et du coup, il les a suivis en passage radio. Il s'est retrouvé à la radio avec les Beastie Boys avec un annonceur du Saturday Night Live qui a crié hey, « c'est les Beastie Boys !» Et puis ils ont... manifestement, ils ont sauté sur le truc en lui disant de dégager. Et puis, ils ont fait « Ici, on est les Beastie Boys !» Et ils ont fait une espèce de show pirate, façon les Beastie Boys du début, quoi. Voilà, c'est une histoire comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à faire des photos dans ses studios de radio où il les a suivis avec les majeurs levés. Et il a passé beaucoup de temps, beaucoup de moments avec Mike D et puis les Beastie Boys a apparemment fumé de l'herbe. Ouais. C'était super cool. On va le dire, ça. Bon, nous, à Pyongyang... Clash. Ouais, à Pyongyang City Rockers. C'était fin des années 80. Hein, à Pyongyang City Rockers, on est une radio punk. Et à Skip, il a fait un truc vraiment particulier pour un des groupes pionniers de la scène punk. C'est-à-dire, il a trouvé un slogan pour la première tournée du Clash. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. I'm talking about like the Clash. Like, I worked on that. I came up with a slogan, "The only group that matters." And at the time, I really believed it, you know. I thought they were the best of the punk bands and that they made all the real corporate rock bands like Journey. I don't know. REO, Speedwagon, all this, like, you know, hair rock of the 80s. They look pathetic, you know, after the Clash of 70s, 80s. And then, you know, when I joined Beefheart, I said, wait a second, we're the only group that matters now. So I switched my allegiance, but for a couple of years there, yeah, I thought they were the only group that said anything that made, you know, sense lyrically, for sure. You know, they were very opinionated, fiery, you know, and it was a left-wing message, humanistic. So I'm coming from that side of the political spectrum in my life. Although the older I get, I'm more in moderation. I'm in the middle. Nice, I'm going to translate this. a good place to be. Yeah. Du coup, le slogan des Clash, The Only Band That Matters, c'est un slogan que lui a trouvé, qu'il avait appliqué d'abord quand il était dans Captain Beefheart, et qui en fait s'est dit que quand il était chroniqueur CBS, il croyait vraiment que les Clash c'était vraiment le seul groupe qui sortait. Enfin, à l'époque où pour lui le punk il émergeait internationalement, il s'est dit ah ouais, en fait. Un groupe avec un vrai discours et tout, qui joue vraiment quelque chose qui pour lui était très humain et qui incarnait un peu un avenir de gauche dans le monde, dans la musique. C'est comme ça que ça lui a parlé, du coup il s'est beaucoup accroché à ce groupe, et c'est pour lui c'est une grosse influence. C'était l'époque London Calling Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Donc là, c'est enflammé en Angleterre, et puis les États-Unis, c'est toujours marrant de regarder l'Europe, mais c'est à ce moment-là, quand tu as des groupes qui arrivent comme ça, j'arrive à me représenter un peu l'influence que ça peut t'amener. Bon, on passerait bien des heures encore à parler avec Gary Lucas, mais dans trois minutes, on va devoir rendre l'antenne. On va d'abord le remercier d'avoir pris de son temps et d'avoir répondu à nos humbles questions de Pyongyang Steelworkers. Thanks Gary, merci beaucoup Yass de nous avoir permis d'avoir Gary en interview. Grand plaisir. N'hésite pas à nous tenir au courant quand il est de retour dans le coin. On relaiera l'info. On va dire au revoir à Gary. Juin 2024. À vos agendas, bouquet, appelez-nous, appelez-moi. On dit au revoir à Gary quand même. Gary, they all say thank you. Thank you. There's Jimmy, Gael, and Stefan, and Celia in the studio, and Thomas, and they just say you hello and thank you for. Hello. Thank you for having me as a guest. I hope to meet you again when I come to Lille, if we can swing it. We will. Yeah. Voilà, great. On se reverra thank you. Yes. Yeah. See you really soon. Give you a call in a week. All right. Yeah. Call me. Okay. Okay. All right. Big kiss. Yeah. All right, bye. Bye. Bye. Et donc on va écouter un dernier morceau extrait de cette EP. Pas tout à fait. Non. Non, c'est en fait c'est une prise alternative de Here Is the Ocean. D'accord. Pas de souci. J'ai chopé. Et donc on se retrouve la semaine prochaine avec Monsieur Dirty Slap Cyril qui sera avec nous dans le studio. Et ses cassettes et pas de téléphone parce que putain ça fait chier ce bordel. Et donc on n'oublie pas en attendant. À Cab. Et jeudi soir, je suis à la réserve. Bisous. Ouais, pas à la réserve, pardon, je suis à. Comment ça s'appelle à la promo foire. Hey, je suis à la griffe. À la griffe. Jeudi soir, si t'allais trop vite. Jeudi soir à la griffe. Yass à la griffe. Jeudi avec soir. Ton crew. Bisous. Yass à la griffe. Salut. Jeudi soir. Bisous. Bisous. Bisous. Salut. Goodbye. Oui. City, the sea, killing all the love in me.